بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui les doros de fiqh. Et on va commencer par le premier chapitre, déjà par le premier livre qui est traité dans les livres de fiqh, c'est Kitab al-Tahara, le livre de la purification. والطهارة في الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب كما جاء في المغني في المجلد الأول. Le mot tahara, le mot purification, c'est-à-dire tout le chapitre qui regroupe toutes les règles des eaux, des récipients, des bienséances pour aller faire ses besoins, qada al-haja, sunan al-fitra, les questions de la fitra, al-wudu, les ablutions, al-mas'a al-khuffain, le fait de passer les mains mouillées sur les khuff ou sur les chaussettes, ahkam al-ghusl, le bain rituel, al-ghusl, al-tayammum et al-haid ou al-nifas, les règles qui sont liées aux menstrues et aux loquies. Tout ça s'est regroupé dans un livre qui s'appelle Kitab al-Tahara. Et le livre suivant, c'est Kitab al-Salah. Dedans, ça regroupe toutes les règles de la Salah. Et la Tahara, dans notre Sharia, ça signifie, donc la purification, ça signifie le fait d'enlever ce qui empêche de faire la Salat parmi al-Hadath, les choses qui annulent le dos, ou al-Najasa, les choses impures. C'est une obligation de se purifier, de nettoyer toutes les impuretés avant de faire la salat. Ça fait partie des conditions de la salat. Avec de l'eau ou avec de la terre. Si la personne n'a pas d'eau, c'est ce qu'on appelle le tayammum. Et on va y venir, inshallah. Les ulama, comme Ibn Qudama rahimahullah de Amdat al-Fiqh, le livre qu'on étudie, il commence ce livre de la tahara avec le chapitre قال باب أحكام المياه chapitre du règle des eaux. المياه جمع, c'est le pluriel de الماء, des eaux. Pourquoi au pluriel? Ils disent les ulama comme الشوكاني dans الأوتار قال المياه جمع الماء وجمعه مع كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع. Il dit les eaux c'est le pluriel, donc المياه c'est le pluriel de الماء, des eaux. Et pourquoi c'est au pluriel alors que l'eau c'est une espèce, c'est une chose, pour montrer qu'il y a plusieurs sortes d'eau. Il y a des eaux avec lesquelles on peut faire le wudu, et il y a des eaux avec lesquelles on ne peut pas faire le wudu. Et dans ce chapitre-là, Ibn Qudama, dans ce livre-là, il n'a pas séparé Kitab al-Miyah ou Kitab al-Najasat, contrairement à d'autres livres, où il sépare le livre des eaux et le livre des choses impures. Là, dans le même livre, il a inclus les eaux, et ensuite, il a parlé de certaines impuretés, et on en parlera, inshallah. Il commence en disant, rahimahullah ta'ala, قال ابن قدام, خلق الماء طهورا, يطهر من الأحداث والنجاسات. L'eau a été créée pure et purifiante. الطهور, وطهر في نفسه, المطهر لغيره. C'est-à-dire, c'est pur en lui-même, l'eau elle est pure en elle-même, et elle purifie, elle est purifiante, c'est-à-dire qu'elle purifie les impuretés, elle enlève les impuretés. Et ça c'est dans le Coran, c'est le verset 48 de Sourate Al-Furqan. Allah il a dit وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Et dans le verset 11 de Sourate Al-Anfal, قال الله تعالى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Il fait descendre sur vous du ciel une eau afin de vous purifier, afin de vous purifier. Ensuite il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala wa la tahsul at-taharatu bima'in ghayrihi, et on ne peut se purifier qu'avec de l'eau et pas avec un autre liquide. C'est-à-dire que pour enlever l'impureté, tu n'utilises pas du jus de fruits ni quoi que ce soit. Et ils se sont basés sur le verset dans sourate An-Nisa où Allah Azza wa Jalla dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et si vous ne trouvez pas d'eau, faites-le tayammum, avec une terre pure. Avec une terre pure. Il dit, celui qui fait l'explication de Umdat al-Fiqh, Bahad-Din al-Maqdisi, rahimahullah, qui est un élève de Ibn Qudama, il dit, Naqalana subhanahu wa ta'ala inda adam al-ma' ila al-turab, falau kana thamma ma'i'in, falau kana thamma ma'i' yajuzu al-wudu'u bihi, lanaqalana ilayh. فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. Le fait que Allah Azzawajal, en absence d'eau, il nous ait dit, purifiez-vous avec de la terre pure, ça montre qu'il n'y a pas d'autre chose pour se purifier. Soit de l'eau, et en absence d'eau, de la terre pure. Ça, c'est ce qui concerne le hadath, c'est-à-dire pour faire les ablutions. En ce qui concerne an-najasat, les choses impures, on va voir que c'est un peu différent à la fin du chapitre, inshallah ta'ala. Il dit, rahimahullah ta'ala, فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٍ. Il dit ensuite, si l'eau atteint deux qullah, c'est une unité de valeur de l'époque, deux qullah. On va le voir que deux qullah, ça correspond à peu près à 190 litres. Lorsque l'eau, elle atteint deux qullah, c'est-à-dire 190 litres, elle ne peut pas être, rien ne peut la rendre impure. D'accord? Même s'il tombe dedans des choses impures, et on va voir ce que c'est les choses impures, parmi l'urine et les excréments, ou par exemple un animal mort, el meita, sont des choses impures. Même si ça tombe dans de l'eau et qu'elle fait la première condition 190 litres ou plus, aucana jaria, il dit ou qu'elle, elle est mouvante, jaria, c'est-à-dire jari, c'est le contraire de al-ma' al-da'im, ce n'est pas de l'eau stagnante, c'est par exemple l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau ou de n'importe quelle chose qui est voilà. Ça, cette eau, elle ne peut pas être impure. Et ça, c'est basé sur un hadith qui est rapporté dans Sunan, ça, dans Sunan Abi Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i Ibn Majah, et aussi dans le Musnad de l'Imam Ahmad, ça a noté dans les Sunan, An-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Si jamais l'eau fait deux qullah, dans la version de Abu Daoud, إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. Si jamais l'eau atteint deux qullah, c'est-à-dire à peu près 190 litres, rien ne la rend impure. C'est le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi qui a dit Hassan. Ça, c'est la première question. C'est la première question. Elle ne peut pas être impure, et après il fait un istithna. Il fait une, sauf dans un cas, il dit quoi? Ibn Qudama, il dit, illa ma ghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu, sauf ce dont la couleur, le goût ou l'odeur a été changée, c'est-à-dire par une impureté. Tout eau, et on va le voir, il y a ijma' sur la question, si jamais l'impureté change l'une de ces trois caractéristiques, toute eau dont l'impureté change une des trois caractéristiques, cette eau, elle devient impure. Impure, ça veut dire qu'il est interdit de faire le wudu avec une telle eau. Al-ma'u idha khalatathu an-najasa faghayyarat ahad awsafihi ath-thalatha ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. Donc, tout eau, qui, si jamais une impureté tombe dedans et change l'une de ces trois caractéristiques, couleur, goût ou odeur, elle devient impure. Il est interdit de l'utiliser pour faire le wudu Il est interdit de l'utiliser, par exemple, pour nettoyer quelque chose. Par exemple, pour laver un thawb, ou par exemple, pour nettoyer de l'urine. Il est interdit de l'utiliser, cette eau. Et à cela, il y a une ijma', comme l'a rapporté Ibn al-Munzir, qui est donc un savant parmi les anciens, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Munzir al-Naysaburi, qui a pris l'importance de rapporter l'ijma'. Il a fait un livre dans lequel il rapporte l'ijma'at. Il y en a certains, les savants, ils les ont remis en cause. Ils ont dit que, mais dans le cas précis, je ne connais pas de savant qui a remis en cause cet ijma'. C'est ijma', inshallah sahih, قال ibn al-Munzir, اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت له طعما او لونا او ريحا فهو نجس. هذا منقول عن نيل الاوطار في المجلد الاول صفحه 38. Il a dit donc, les ulama sont unanimes que toute eau, qu'elle soit en grande quantité ou en petite quantité, si une impureté y tombe dedans et change son goût ou sa couleur ou son odeur, elle devient impure. Et ça, c'est dans le livre Nail al-Awtar, qui est un commentaire de hadith, à la volume 1, à la page 38, c'est un livre de Shaykhani. Ensuite, il dit, wa ma siwa dhalika yanjusu bi mukhalatati najasa. La cinquième question ici, c'est quoi? Il dit, Ibn Qudama rahimahullah, on va voir qu'il y a divergence, et on va essayer de ramener la vie des ulama le plus juste sur cette question-là, inshallah ta'ala. Il dit, et toute autre eau, c'est-à-dire en dessous ici de 190 litres, en dessous de l'Qullatayn, ici Ibn Qudama, il voit que, ou il explique dans ce livre-là, que toute eau, même si elle fait moins de 190 litres, pardon, si elle fait moins de 190 litres et qu'une impureté y tombe dedans, là on ne regarde pas les trois caractéristiques, elle devient impure. Et ça c'est l'avis le plus répandu dans le madhab de l'imam Ahmed. Mais on va voir que c'est pas l'avis le plus juste. Et qu'on revient toujours à la règle de base, comme quoi on revient toujours sur les trois caractéristiques. Et que toute eau, en quelle quantité qu'elle soit, elle ne devient impure que si l'une des trois caractéristiques a été changée par une impureté. Et en cela, on se base sur le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, et il a été authentifié par l'imam Ahmed, an Abi Sa'id al-Khudri, قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من برء بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. Abu Sa'id al-Khudri rapporte, il a été dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pouvons-nous faire le wudu du puits de Bouda'a alors que c'est un puits dans lequel on jette le sang des règles, c'est-à-dire les tampons à notre époque, c'est-à-dire ce que les femmes se mettent pendant les règles. Et les chiens morts et les choses pourries, littéralement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ça c'est min husni fatwa sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il répond avec une parole générale qui correspond à la situation donnée, c'est-à-dire bouda'a, et qui ensuite est une règle pour toute sa communauté jusqu'au jour de la résurrection. Et il a dit al-ma'u tahur, première chose, l'eau est pure et purifiante. Ensuite, il a dit quoi? La yunajjisuhu shay. Rien ne la rend impure. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'eau est pure et purifiante. Rien ne vient la rendre impure. Ibn Taymiyyah رحمه الله il a dit à propos de ce hadith, cette parole est générale. Elle concerne l'eau en grande quantité ou en petite quantité. Et elle est générale et elle concerne toutes les sortes d'impuretés. Donc, toute impureté qui tombe dans de l'eau, elle ne la rend pas impure. Et là, on dit quoi? Et on revient à l'ijma'a précédente. Sauf si l'une des trois caractéristiques vient à changer. Si l'une des trois caractéristiques vient à changer. D'accord? Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa. Il continue et dit Ibn Taymiyyah, أما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة في مجموع الفتاوى المجلد 21 الصفحة 32 ابن تيمية ensuite dit si par contre l'eau est changée par une impureté il devient interdit de l'utiliser car là on ne peut l'utiliser qu'en utilisant l'impureté. D'accord? Si elle est changée, ça veut dire que t'es plus, c'est, tu, non seulement tu utilises l'eau, mais tu l'utilises aussi, karamakumallah, l'urine qui est tombée dedans, ou les excréments qui sont tombés dedans. Et on a déjà vu l'ijma' d'Ibn al-Mundhir, rahimahullah, comme quoi si l'une des trois caractéristiques vient à changer, cette eau devient inutilisable. Dans le même sens, c'est la dernière parole qu'on cite. قال الشيخ sur cette question-là. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمهم الله إذا لم يتغير الماء بالنجاسة لم ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا وهو قول مالك وأهل المدينة وإحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه وفي المسألة نحو خمسة أقوال وهذا هو الذي نختار والدليل عليه ثم ذكر حديث بئر بضاعة وهذا في الدرر الثانية المجلد الرابع صفحة 40 و 100 والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب le fils de Mohamed Abd al-Wahhab il dit si l'eau n'est pas changée par l'impureté elle ne devient pas impure qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité et ceci est l'avis de Malik et des gens de Médine c'est-à-dire des gens de Médine à son époque Ahl al-Médine et il faut bien voir que madhhab Ahl al-Médine qawiyun jiddan. C'est-à-dire quoi? Le madhhab de Malik, Malik en particulier, après les Malikiyah, après c'est autre chose. Malik en particulier, il se base sur l'amal al-qadim. Il se base dans son fiqh, en plus du kitab, le sunnah, de l'ijma', de ce qu'on a appelé aqwal al-sahaba. Lui, il voit les actes des gens de Médine. Pourquoi? Parce qu'à son époque, ce sont des tabi'in. C'est des gens dans lesquels, c'est une ville dans laquelle a vécu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu le sahaba, ont vécu, etc., etc. Il dit donc, c'est la vie de Malik et des gens de Médine. Et c'est l'une des versions rapportées de l'imam Ahmed, qu'ont choisi certains de ses compagnons, certains gens de son madhhab. Et il y a plus de 5 divergences dans cette question-là, d'accord? Et c'est l'avis que nous choisissons, c'est-à-dire l'avis comme une cité de Ibn Taymiyyah, c'est aussi l'avis des savants du Najd. Et ensuite il a cité le hadith du puits de Bouda'a, ça c'est dans Dora al-Saniya, le volume 4, à page 140, pour montrer que Dora al-Saniya, c'est pas seulement un livre de tawhid, c'est aussi un livre qui est Mufid Jiddan fi المسائل الفقهية في concerne le fiqh et voilà cet avis là c'est l'avis défendu par le commentateur inshallah de l'Umda c'est-à-dire Bahad-Din al-Maqdisi al-Udda Shah al-Umda et c'est aussi l'avis de Shawkani dans ses livres dans ses différents livres comme Nail al-Awtar ou Ad-Darar al-Mudiyya wallahu a'lam. Vous avez compris cette question là ensuite il cite une autre question, on va pas s'y attarder. Il dit والقلتان من قارب 108 أرطال من دمشق. Il explique c'est quoi le qullatan, cette unité de mesure. Il explique ce que c'est à son époque, dans l'unité de mesure des gens de Dimashq, de Damas. Et on a dit que c'était à peu près 190 litres à notre époque. Allah Ta'ala. Il dit وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. يعني قال الشارح سلب طهوريته إجماعا وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. Il dit Ibn Qudama rahimahullah, je cite avec le commentaire, il dit si on cuisine dans l'eau ce qui n'est pas pur, on cuisine dans l'eau ce qui n'est pas pur, elle devient impure, et il cite ici l'ijma, unanimité. Ça c'est dans l'Udda Shaf al-Udda. Et ça c'est une grande, comment ça s'appelle? C'est une grande réponse à ceux qui se posent la question par rapport à la gélatine, par rapport à toutes ces saletés qui nous font manger à notre époque. Ici, il est cité l'ijma', comme quoi si tu fais cuire du porc à haute température, t'auras beau y mettre du sucre, t'auras beau la changer la forme, t'auras beau appeler ça l'istihala, même si c'est vrai que c'est l'avis de certains savants, ça restera impur. Et ça restera pour un musulman toujours, comment ça s'appelle ? Personnellement, impensable de mettre du porc, de la viande morte, de l'alcool dans son ventre. Même si, à la fin, ça devient du Coca-Cola, des bonbons Haribo, ou je ne sais quoi d'autre. On ne va pas développer sur cette question-là, on en parlera peut-être une autre fois, Inch'Allah. Il dit, وَكَذَلِكَ مَا خَلَطَهُ فَغَلَبَ عَلَى إِسْمِهُ وَسْتُعْمِلَ فِرَفَ حَدَثْ سُولِبَ تَهَوْرِيَتُهُ. Ici, il y a deux. وَكَذَلِكَ مَا خَلَطَهُ فَغَلَبَ عَلَى إِسْمِهُ. Ce qui se mélange à l'eau et entre guillemets prend le dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est interdit de faire le wudu avec. C'est quoi? Tout simplement, c'est quoi? C'est de l'eau dans laquelle tu as fait cuire du thé. Hein? Ils appellent ça, les ulémas, certains aussi, kharaja an itlaq ism al-ma'i alayh. Ça n'a plus le nom d'eau. Ça s'appelle comment? Du thé. Est-ce que c'est permis de faire le wudu avec? Non. Ça n'est plus de l'eau. C'est du thé. Etc. Pour le café, pour le sirop, pour le jus de fruits, etc. etc. Par contre, je tiens à préciser, comme il est dit dans certains livres, al-ma'u idha khalatathu maddatun tahira. Ça, c'est pas d'un de tel fait. كأوراق الأشجار والصابون والأشنان والسدر وغير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به يجوز التطهر به من الحدث والنجاسات. Il dit par contre, ici on a parlé d'une chose, si l'eau il est cuisinée dans de l'eau du thé, ça devient haram de faire le wudu avec. Ça n'est plus de l'eau. Kharaja an itlaq ism al-ma'i alayh. Ça s'appelle plus de l'eau. Ça s'appelle du thé, du café, etc., etc. Par contre, si dans l'eau, il s'est mélangé quelque chose qui est pur et qui n'a pas pris le dessus. Quoi? Du savon. D'accord? Comme par exemple, ça a été posé la question, un peu de chlore. Dans certaines eaux, il y a des odeurs de chlore. Il est permis de faire le wudu avec. Al-Sahih, il est permis de faire le wudu avec. C'est de l'eau. C'est encore de l'eau. C'est de l'eau, certes, avec un peu de savon, savonneuse, un peu, quoi que ce soit. Ou avec je ne sais quoi d'autre, des feuilles, des feuilles des arbres, un peu de mousse, je sais pas moi, l'eau de dehors, mais ça reste quand même de l'eau. Et il est permis de faire l'eau d'eau avec. Et la deuxième question, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent el-ma el-musta'man. C'est de l'eau qui a été utilisée, l'eau qui a été utilisée, par exemple, pour faire l'eau d'eau. L'eau qui a été utilisée, par exemple, pour faire l'eau d'eau, et il en reste de cette eau. D'accord? Cette eau-là, l'avis qui défend ici Ibn Qudama, c'est qu'on ne peut pas faire le wudu avec. Cet avis, c'est pas le plus juste. Et même à l'intérieur du madhhab de l'imam Ahmed, il y a une version de l'imam Ahmed qui dit le contraire. Et elle a été vérifiée par Ibn Qudama lui-même dans Al-Mughni. Et elle a été défendue par Ibn Hazm dans Al-Muhalla. D'accord? Donc on dit que ce qu'ils appellent Al-Ma Al-Musta'mal, l'eau utilisée, elle reste pure. Ibn Hazm dit, rahimahullah ta'ala, والوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل به للجنابة سواء وجد ماء أو آخر غيره أو لم يوجد وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة وغيرها وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة وبرهان ذلك قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فعم تعالى كل ماء ولم يخصه فلا حل لأحد يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته. Ça c'est dans le Muhalla, le volume 1, la page 182. On traduit, pour faire vite, il dit, le wudu avec de l'eau qui a déjà utilisé est permis. De même, le ghusl avec de l'eau qui a déjà utilisé est permis. Et pourquoi? Il se base sur quoi? Et il dit, car Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous a permis de ne faire le tayammum. Et il a dit quoi? Falam tajidu ma'an. Parce que vous ne trouverez pas d'eau. Or, ici, tu as de l'eau. Elle a été utilisée, certes, mais ça reste de l'eau. D'accord? Donc, il dit que ce verset-là, il nous indique qu'on ne peut pas faire le tayammum que si on ne trouve pas d'eau. Alors, tu as de l'eau, même si elle est utilisée. Et il n'y a pas de texte clair, nasun thabit, ou de ijma' clair, comme quoi cette eau-là, il interdit de l'utiliser pour le wudu. Et un autre dalil qu'il cite dans d'autres livres, comme quoi, أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. البخاري rapporte dans son صحيح numéro 189 comme quoi les gens ils se disputaient l'eau du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il faisait le wudu. Et si cette eau-là il n'était pas permis de faire le wudu avec, il aurait informé les gens de cela. D'accord? C'est un dalil. قال ابن قدامة رحمه الله continue دعمدة الفقه دي وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على يقين بنى على اليقين et si la personne doute de la pureté du nom ou d'autre chose ou qu'il doute est-ce qu'elle est impure il se base sur la certitude c'est quoi c'est l'asl la base dans l'eau c'est qu'elle est pure tu trouves de l'eau tu trouves un cours d'eau tu trouves une bouteille d'eau tu trouves quelque chose, c'est l'heure de la salat, que sais-je, une fontaine, un truc, quoi. La base, c'est quoi? C'est que cette eau, elle est quoi? Elle est tahira, elle est pure. Tahora même. Hein? Elle est pure et purifiante. Tahora. Et on ne fait pas de wesh-wesh. On ne dit pas, là, c'est comment ça s'appelle? On va pas te dire peut-être qu'il y a un chien qui a ou quoi, ou même la terre, un endroit. Tu veux faire la salat, t'es dehors, c'est l'heure de la salat. Tu te poses pas de questions, tu fais la salat. Sauf si, évidemment, t'as vu dans l'instant un chien faire ses besoins à cet endroit-là, évidemment. Mais, l'asl, ici, c'est quoi? At-tahara. Là-bas, c'est quoi? C'est la pureté. Ibn Qudama, rahimallah, il donne un exemple dans Al-Mughni. قال, إذا سقط على إنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه لأن الأصل طهارته. قال صالح, سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان فقال إن كان مخرجا يعني خلاء فاغسله وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه فإن عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص على حوض فقال عمرو يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد عليها وترد علينا رواه مالك في الموطأ L'homme, une personne, il est dans une route, il dit, qu'il y a de l'eau qui tombe sur lui. D'accord? Il n'est pas une obligation qu'il demande, cette eau, elle vient d'où? Il va voir les gens, il dit, cette eau, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est impure? Est-ce qu'elle est très... Non, c'est pas une obligation. La base, c'est quoi? Ce qu'elle est? Tahira. Il dit, car la base, c'est la pureté. Tahira. Salih, il dit, j'ai demandé à mon père, c'est-à-dire l'imam Ahmed, Salih, c'est le fils de l'imam Ahmed, et il nous rapporte les fatwas de son père. Il dit, Salih Hidi ibn Imam Ahmed dit, j'ai demandé à mon père, à propos d'une personne qui est dans un endroit, une goutte ou deux gouttes tombent sur lui. Mon père a répondu, c'est-à-dire l'imam Ahmed, il a dit, si jamais tu vois une toilette juste à côté, tu laves. Si tu es sûr que c'est de l'eau qui vient des toilettes, tu laves le vêtement sur lequel est tombé, cette goutte-là, tu prends un peu d'eau et tu laves. Si ce n'est pas une toilette, cette chose-là, tu ne demandes pas. Car Omar radiallahu anhu, un jour passé, avec Amr ibn al-As, parmi les compagnons, radiallahu anhuma, ils sont passés à un bassin. Amr a dit, ô toi, le responsable de ce bassin, est-ce qu'il y a dans ce bassin des fauves qui viennent y boire? Et Omar, il a dit quoi? Ô toi, le responsable du bassin, ne nous informe pas. On ne veut pas le savoir. Alhamdoulilah, cette eau, elle est pure. D'accord? Ça, c'est dans le Mourni, le volume 1, la page 88. Ensuite, il dit, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ غَيْرِهِ غَسَلَ مَا يُتَيَقَّنُ بِهِ غَسْلُهَا. Il dit, Ibn Qudama, rahimahullah, da'amdat al-fiqh. Et si, là, on est dans la certitude, si une impureté tombe, par exemple, sur un vêtement, qu'on est sûr que cette impureté, elle est tombée sur le vêtement, sur ton kamis là, mais tu te souviens plus où. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu le laves de manière à ce que tu sois sûr que l'impureté a été lavée. Alors, si tu te souviens que l'impureté elle est tombée sur le haut du vêtement, tu laves tout le haut du vêtement. Si sur le bas, tu laves tout le bas. Si tu te souviens plus, tu laves tout le vêtement. Hein? Tu trempes tout le vêtement dans l'eau en le lavant un peu. وَإِنْ اشْتُبِهَا مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجَسٍ ولم يجد غيرهما تيمما وتركهما. Il dit, rahimahullah, Ibn Qudama da'amdat al-fiqh, on va voir qu'il va dire la même chose dans le kafi. Si maintenant, on a deux eaux qui sont mélangées. Une eau pure et purifiante et une eau impure. Deux récipients, par exemple, deux récipients d'eau. C'est des choses qui peuvent arriver. Et une personne, il pourrait dire, c'est théorique, quoi que ce soit. Non, ça peut arriver. Peut-être à notre époque, avec l'eau courante, etc. Si on va dans des endroits où il n'y a pas l'eau courante, et ils sont nombreux sur cette terre encore, ça peut arriver. Maintenant, on a deux eaux. Une qui est pure et purifiante, Tahor, et l'autre qui est impure. Et il n'a pas d'autre eau que celle-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tayammum. Il fait le tayammum. D'accord? Il les laisse et il fait le tayammum. C'est la vie de comment s'appelle du madhab de l'imam Ahmed. Wa in ishtubiha tahurun bi tahir tawadda'a min kulli wahidin minhumā. Et ensuite il dit une autre question, la deuxième question. Vous l'avez noté. La deuxième, c'est quoi? Si jamais une eau pure et purifiante est mélangée, on va dire, c'est-à-dire il y a une confusion entre de l'eau pure et purifiante et une eau pure qui ne purifie pas. Et celle-là, on a vu que nous, l'eau pure qui ne purifie pas, ça n'existe pas pour nous, en fait. Ça n'existe pas à la rajah, inshallah. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le mal musta'mal, c'est de celle-là qui parle. Le mal musta'mal, yajuzu al-wudu bihi, al-sahih, inshallah. Huwa riwayah l'imam Ahmed. D'accord? C'est un avis de l'imam Ahmed. Donc, il dit, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le wudu avec les deux eaux. On fait le wudu avec les deux eaux. Mais pour nous, ça n'a pas d'importance, puisque là, il n'y a pas d'eau qui est pure sans être purifiante. Par contre, dans le premier cas, de l'eau pure et de l'eau impure, là, on laisse, et qu'on ne sait pas laquelle est la pure et laquelle est la impure, et que tu n'as pas de troisième eau, dans ce cas-là, tu laisses les deux et tu fais le tayammum. Et ça a été redit par l'imam Ibn Qudama dans Al-Kafi, dans la page 14. Ici, la prochaine question, c'est une question qui, on va citer l'avis d'Ibn Qudama. Et on va voir que l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah sur la question. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وبعدد النجس وزاد الصلاة. Si jamais la personne il a des habits, certains habits sont purs et certains habits sont impurs. Il ne sait pas lesquels sont. On a vu, on le verra plutôt. طهارة الثوب من شروط الصلاة. Le fait que l'habit soit pur, c'est une condition de la salade. Donc admettons, ça par contre c'est un peu théorique, si jamais il a des habits purs et des habits impurs, et qu'il ne sait pas. Le Hanabila, ou l'avis qu'il choisit ici, Ibn Qudama, c'est quoi? Par exemple, tu as trois habits, et tu ne sais pas lequel est pur et lequel est impur. Pour eux, tu fais trois salades. Et ils considèrent l'avis comme quoi tu fais trois salades. Pour être sûr que tu as fait au moins une salade avec la pure. C'est pas l'avis le plus juste. Pourquoi? Parce qu'imagine que tu en aies 50 ou 60. Non? Impossible. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit à propos de la même question: وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطاهرة أم كثرت. هذا في الاختيارات الفقهية صفحة الخامسة. Ibn Taymiyyah, il a dit dans les habits qui sont mélangés, c'est-à-dire entre pur et impur, l'avis le plus juste, c'est qu'il prend un avis et qu'il prie une salate avec cet avis, avec cet habit-là. Inch'Allah, Allah y a foi en nous, Inch'Allah. D'accord? Ça, là, il a fait ce qui est possible. Taqullaha mastata'atum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Et s'il dit ça, cela, c'est l'avis d'Abu Hanifa et de Shafi'i. Que les purs et les impurs soient nombreuses, peu nombreuses. Même s'il y en a deux, même s'il y en a, que dire s'il y en a 50 ou 60. Il choisit un thawb, entre guillemets, au hasard, hein, il choisit un saut, un habit, et il fait une salade avec, Inch'Allah, Ensuite, il dit, Rahimallah ta'ala, wa tughsalu najasatul kalb wal khinzir sab'an ihdahunna bit turab. Et on lave l'impureté du chien et du porc, sept fois, dont l'une avec de la terre. Et tout ça, comme vous le savez, c'est basé sur le hadith d'Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولأحمد ومسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب عفوا أبو هريرة rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit si le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois. Cette version elle est rapportée par Al-Bukhari ou Muslim. Et dans une version rapportée par l'imam Ahmad dans son Musnad et l'imam Muslim rahimahullah dans son Sahih, la purification, ce qui signifie la purification du récipient de l'un d'entre vous, si le chien boit dedans et qu'il la lave 7 fois, la première avec de la terre. Ce hadith, on peut en tirer plusieurs enseignements. Le plus grand enseignement, c'est quoi ? وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها. Il est obligatoire d'utiliser la terre. Il est obligatoire d'utiliser la terre et le mieux, c'est que cette terre, elle soit utilisée dans le premier lavage, mélangée avec l'eau du premier lavage, du premier des 7, afin que l'eau elle vienne ensuite nettoyer la terre. قال النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. Tout ça c'est dans Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Nawawi l'a dit, c'est l'avis le plus juste, le savon ou quoi que ce soit d'autre, l'Ashnan, c'est ce qu'il utilisait à l'époque, ne viennent pas remplacer la terre. C'est-à-dire qu'il faut utiliser de la terre. نأخذ الحديث على ظاهره وهو الواجب. C'est donc sous ce kitab wa sunnah. On prend le hadith selon son sens apparent. Et le sens apparent, il implique l'obligation de le laver 7 fois, l'obligation d'utiliser de la terre. On ne lave pas 6 fois et on n'utilise pas du savon à la place de la terre. On se base sur le hadith. وتبني العقلانيين. Et malheur aux rationalistes qui veulent nous détourner du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il rajoute wa najasatul khinzir. Et il considère al-Hanabila dans le madhhab de l'imam Ahmad comme quoi l'impureté du porc est pareille que l'impureté du chien. Ça pose un ishkal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a parlé que du chien dans ce hadith. D'accord? Il n'a pas parlé du porc. Donc le mieux c'est d'appliquer ce hadith sur le chien, et bien sûr le porc en lui-même est impur. Non seulement sa viande, mais tout son corps est impur. Et pour nettoyer les autres impuretés, il faut les laver, ça c'est l'avis du madhhab de l'imam Ahmad, au moins 3 fois. Au moins 3 fois. La réalité, c'est qu'une fois, ça suffit. Si l'impureté, elle part avec un lavage, en dehors, bien sûr, de la salive du chien, ça suffit, Inch'Allah. قال ابن قدامة رحمه الله ensuite, وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم, هذا في الشرح. لا, لقوله صلى الله عليه وسلم, صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. Il dit ensuite Ibn Qudama rahimahullah, quant à l'impureté qui est sur la terre ou sur un sol, quel qu'il soit, il suffit de verser par exemple de l'eau dessus, ne serait-ce qu'une fois, pour la purifier. Et cette preuve, cette chose-là, il cite le hadith, c'est l'un des intérêts de Umdat al-Fiqh, c'est qu'il cite de temps en temps les dalils des masaels, contrairement à d'autres moutons, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, versez sur l'urine du bédouin un seau d'eau. Vous connaissez tous ce hadith. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. An Abi Hurayra taqal, qama a'rabiyun fabala fil masjid, faqama ilayhi an-nas liyaqa'u bih. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, da'uh. وريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه الجماعة إلا مسلما. حديث لبلا مسلم pardon. Il est dans Sahih al-Bukhari, Musnad al-Imam Ahmed et غيره. Comme quoi Abu Huraira a rapporté qu'un bédouin est venu et qu'il a uriné dans un coin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se sont levés pour le frapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-le. Et ensuite, versez sur son urine un seau ou un récipient d'eau. Dans ce hadith-là, la première chose, le premier hukum, la première fa'ida de ce hadith, c'est quoi? Najasati bawl al-adam, wa huwa ijma'. كما قال الصنعاني في السبل وابن حزم في مراتب الإجماع. Comme quoi, l'urine du fils de Adam est impure. Je dis l'urine du fils de Adam parce que l'urine des animaux, quand on peut manger la viande, elle est tahira ala sahih. L'urine de mouton, l'urine de, que sais-je, de vache, etc., etc., de chameau, tout ça c'est pur, tahir. Ça, si t'en as sur toi, ahara, tu peux prier, y a pas de problème. Par contre, l'urine du fils de Adam, elle est impure. Et que et qu'il a suffi pour purifier cette impureté, comme venu dans le hadith, de verser de l'eau dessus. Et ça, ça vaut pour toutes les impuretés. Tadhabu bi'iniha, tadhabu bi'iniha, et il faut que cette eau, elle enlève l'impureté en tant que telle. Par exemple, quand on a un excrément ou quoi que ce soit, il faut que cet excrément, bien sûr, il soit enlevé, en plus de le laver avec de l'eau. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. Par contre, il suffit pour laver, pour purifier l'urine d'un enfant qui n'a pas, qui ne mange pas de nourriture, النضح. C'est quoi? Le fait d'asperger un peu de l'eau. Comme on l'a vu et comme on le verra avec Al-Madi. On va le voir juste après. C'est-à-dire que ça c'est basé sur un hadith, c'est par Al-Bukhari et Muslim. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بإبن لها صغير لم يأكل الطعام لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. Comme quoi, le prophète sallam, il a assis l'enfant de أم قيس بنت محصن, il l'a assis dans son hijr, il l'a assis sur ses genoux. Et il lui a uriné dessus. Et il a fait venir de l'eau et il a juste aspergé l'urine. Et l'enfant, comme ils ont dit les ulama, comme il a dit par exemple Shawkani, يأكل الطعام المراد بالطعام عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك. Quand on dit, c'est dans l'Autar, Mujallad al-Awwal, 56, comme quoi, qui ne mange pas de nourriture, ça veut dire sauf le lait que sa mère lui donne, ou à la limite une date qu'on lui met dans la bouche, on appelle là, ou du miel qu'on lui donne pour le guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'enfant qui est encore allaité, c'est-à-dire qu'il ne mange pas, que le lait est la majorité de son, enfant mâle, pardon, dont le lait est la majorité de son alimentation. D'accord? Si jamais l'enfant il commence à manger, ça y est, c'est fini, il faut laver. Son urine elle devient impure comme n'importe qui. Quant à l'urine de la petite fille, elle est impure depuis sa naissance, on va dire, jusqu'à sa mort. وَكَذَلِكَ الْمَذِي يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ. De même, le madhi, vous le savez, ils ont dit le ulama, ça c'est dans le différent, je finis la phrase. وَكَذَلِكَ الْمَذِي ويعفى عن يسيره المذي si il tombe sur un vêtement il suffit quoi un نطح الرش le fait de d'asperger le vêtement seulement. والمذي قال ابن قدامة المذي فهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر فظاهر المذهب أنه نجس كما جاء في المغني المجلد الثاني وقال الشوكاني واتفق العلماء على أن المذي نجس في نهاية الأوطار المجلد الأول صفحة 63. Première chose, المذي il est نجس, il est impur. طيب, il est impur. Mais il suffit un نطح, il suffit de l'asperger. Il n'est pas une obligation de le laver, contrairement à l'urine, aux excréments, au sang des règles. Et vous le savez, c'est un liquide. C'est un liquide qui est fin, transparent, et qui sort lorsque la personne il lui vient une envie bien sûr sexuelle, d'accord? Cette envie-là, ça arrive souvent chez les jeunes, les gens pas mariés par exemple, les célibataires, d'accord? وعن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. Donc Ali ibn Abi Talib, il dit, qu'il était un homme qui avait beaucoup de madhi. Et il a eu honte de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il était marié avec sa fille. Il a donc envoyé le Miqdad ibn al-Aswad qui lui a demandé, et il lui a dit, tu dois refaire le wudu. Donc ça, c'est le deuxième jugement. Non seulement c'est impur, il faut le laver, et il annule le wudu lorsqu'il sort. Et comme on l'a dit, Shawkani rahimahullah, il a dit, les ulama sont unanimes comme que le madhi est impur. On est l'altar. Il dit ensuite, Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, ويعفى ويسير الدم وما تولد وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس. Il dit, et lorsqu'il y a peu de sang, ou par exemple le pus, et qui n'est pas en grande quantité, on peut juste faire le an-nadh. Et on a vu déjà dans le précédent, et on verra dans des doros après, comme quoi c'est impur, mais que ça n'annule pas le wudu et ce n'est pas une obligation de le laver si c'est en petite quantité. On va voir les délais maintenant. D'abord, il y a Ijma', même si elle est remise en cause par certains contemporains et même par certains ulama. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس في مراتب الإجماع صفحة 39. ابن حزم رحمه الله il a dit les ulama sont unanimes que le sang en grande quantité, n'importe quel sang que ce soit sauf le sang du poisson, est impur. Ibn Hazm il a ramené ce Ijma dans son livre Maratib al-Ijma' à la page 39. Même s'il y a certains ulema qui considèrent que le sang, à notre époque, n'est pas une impureté en tant que tel. Mais ici, on préfère se baser sur ce Ijma' d'Ibn Hazm pour dire que le sang est impur. Mais Ibn Qudama, rahimahullah, il a dit, وَيُعْفَ عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزَ مِنْهُ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَخْلُو مِنْ حَبَّةٍ أَوْ بَثْرَةٍ فألحق نادره بغالبه وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة من الدم ولم يعرف لهم مخالف في الكافي صفحة 63. Ibn Qudama rahimallah il dit, mais le peu de sang est pardonné. Peu de sang est pardonné, c'est-à-dire ce n'est pas une obligation de le laver, ou si la personne prie avec peu de sang sur lui, sa prière elle est sahiha, elle est valable. Car, il dit Ibn Qudama, car il est très rare qu'une personne soit exempte, ne serait-ce que d'une petite plaie ou d'un petit bouton. Et il a rapporté que certains sahabes ont prié avec, quand même, la présence de sang sur eux. Comme c'est rapporté de Ibn Omar, et c'est rapporté de, particulièrement de Ibn Omar, si je m'en souviens bien. Et c'est rapporté aussi, dans Al-Kafi, Naam, بالضبط. Il dit, وابن عمر عثر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عثر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. Ça c'est rapporté dans le Kafi, la page 32, comme quoi Abdullah ibn Omar, a pressé un bouton et il a continué à faire la salade. Et Abdullah ibn Abbas disait, إن كان فاحشا فعليه إعادة. Si la personne prie avec beaucoup de sang sur lui, on doit refaire sa salade. Et la compréhension de cela, c'est quoi? C'est que s'il y a peu de quantité, il n'a pas à refaire sa salade. Et tout ça, c'est dans le Kafi, à la page 32. وَمَنِيُ الْآدَمِي. Ensuite, il dit, وَمَنِيُ الْآدَمِي وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ. Et il finit sur cette question-là. Pardon, il a dit d'abord, وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. On a déjà vu ça. Le peu, c'est quoi? C'est ce que les gens ont l'habitude de dire qu'il est peu. Et inversement, pour en grande quantité. D'accord? On se base sur l'urf, ce que tu sens en toi-même, toi, quand tu considères que c'est... Ça, c'est la parole d'Ibn Abbas. Et c'est rapporté dans l'Udda, Sharh al-Umda, explication de l'Udda al-Fiqh, à la page 24. Donc ensuite il continue et dit وَمَنِيُ الْآدَمِي وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ. Et le sperme du fils de Adam est pur. Le sperme du fils de Adam est pur. C'est-à-dire, si la personne il a du sperme sur son vêtement, ce n'est pas une obligation de le laver. Et le dalil de cela, comme il l'a rapporté les ulama, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme quoi, elle grattait le sperme séché du vêtement du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est quoi le délire? C'est que si jamais ça avait été une impureté, ça suffit pas, on l'a vu. Une impureté, c'est quoi l'obligatoire? C'est le ghasl, c'est de le laver. D'accord? Comme elle le grattait, ça prouve que ce n'est pas impur. C'est la vie le plus juste. C'est l'avis d'Ibn Qudama ici, rahimahullah, et d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans ses fatawa, de même pour l'urine de ceux dont on mange la viande, toute urine de tout animal dont on mange la viande, on l'a vu, elle est pure. Et le dalil c'est quoi? C'est le hadith dans le Bukhari, rahimahullah, comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, أمر العرانيين يشربوا من أبوال إبل الصدقة. Comme quoi, il y a des gens de la tribu de Urana qui sont tombés malades à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a ordonné de manger un mélange de lait de chameau avec de l'urine de chameau. C'est un médicament. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Et ça prouve la pureté de ces choses-là. Et le deuxième dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال صلوا في مرابض الغنم. Il a dit, priez dans les enclos des moutons. Et dans les enclos des moutons, il y a non seulement de l'urine, mais aussi des excréments. Donc l'urine et les excréments des animaux dont on mange la viande, ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Tahirun. Et c'est la vie, on l'a dit, donc, d'Ibn Qudama, rahimahullah, dans ses livres, comme Umdat al-Fiqh et comme Al-Mughni. Et c'est la vie de Cheikh l'Islam, Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Mais il a même dit, Ibn Taymiyyah, قال, فإن أكثر السلف على ذلك. بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة كما جاء في الفتاوى المجلد 21 صفحة 13 و600. Ibn Taymiyyah il a dit, mais la parole, le fait de dire que ces choses-là sont impures, c'est-à-dire l'urine de ceux dont on mange la viande, c'est ce que cela est impur, c'est une parole innovée. Et il n'y a pas de compagnons qui ont dit cela. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه